Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, Gedun, 6 ans, l'enfant perdu du Tibet. En janvier 1989, le Panchen Lama, numéro 2 du bouddhisme tibétain après le Dalai Lama, meurt. Son corps n'est plus, mais selon les bouddhistes, son esprit renaît dans un nouvel être. Alors, une extraordinaire recherche s'engage pour trouver sa réincarnation. C'est le Dalai Lama qui traditionnellement nomme le nouveau Panchen Lama. Et le 14 mai 1995, il fait son choix. Il se porte sur Gedun, 6 ans. L'enfant devient l'émanation du Bouddha, de la lumière infinie. Alors le Tibet est en liesse, le Panchen Lama est de retour. Mais le Tibet est chinois. Alors, si à la mort de l'actuel Dalai Lama, Pékin parvenait à imposer son propre Panchen, il pourrait ensuite placer une marionnette à sa solde, à la place du Dalai, leader charismatique de cette province séparatiste. Et le 17 mai 1995, l'enfant Panchen disparaît. Il n'y a plus aucune trace de lui, ni de sa famille, rien. Il faut le retrouver. Car l'enjeu pour le Tibet, c'est sa culture, son peuple, son histoire, sa survie. Notre invitée aujourd'hui, Katia Bufftri, tibétologue, co-auteur notamment du livre « Le Tibet est-il chinois ?» avec Anne-Marie Blondeau en 2002, et elle se rend tous les ans au Tibet depuis 1985. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Les montagnes qui l'entourent, les plus hautes du monde, ont forgé, protégé son mystère. Entre la Chine et l'Inde, 1 220 000 km², dont pas un n'est à moins de 3 000 mètres d'altitude. Établi dans une vallée creusée par un affluent du Brahmapoutre, Lhasa, la capitale, est située à 3 600 mètres. Au matin d'un jour tenu secret entre 1990 et 1993, une procession de moines sillonne les routes du Tibet. Ils entonnent des chants gutturaux et font sonner des trompettes. Ils viennent de Shigatse, la deuxième plus grande ville du pays, à l'ouest de la capitale, Lhasa. Plus précisément, ils viennent du monastère de Tashilumpo, l'un des plus sacrés au Tibet, et pour cause, c'est le monastère du Panchen Lama. Lentement, la route défoncée mène les moines à travers le haut plateau tibétain jusqu'à leur objectif, à 500 km, un lac, le Lamo Lhatso. Ce n'est pas un lac comme les autres, évidemment. Le Lamo Lhatso est mystique, habité par une divinité, la déesse protectrice du Tibet. Ce lac, il est noir et profond. Encastré dans le creux de trois montagnes où coulent trois rivières, il est le symbole de l'eau, de la terre et du feu. Voilà maintenant 6 siècles que les moines tibétains se rendent sur les berges pour invoquer la déesse. Le 10e Panchen Lama est mort, il faut lui trouver sa réincarnation. Tous se souviennent de ce que les eaux miraculeuses avaient révélé la dernière fois qu'ils s'y étaient rendus, en 1938. Les moines avaient déposé des offrandes aux gardiens des esprits. Ils étaient entrés en méditation. Et au 4e jour de prière, le lac s'était mis à parler. Une formidable clameur était sortie du ciel. Puis un spectacle étourdissant. Les nuages s'étaient mis à s'amonceler, à tourbillonner, à se transformer. Tour à tour, ils avaient pris la forme d'une montagne, d'une vague, d'un palais, d'un monastère, d'un cavalier lancé sur son cheval et d'un dragon tournoyant au-dessus des moines, effleurant leur visage en rugissant. Comme en 1938, les moines déposent alors des offrandes aux gardiens des esprits et ils entrent en méditation. Ainsi les jours passent sans qu'il n'arrive quoi que ce soit. Et soudain, le Lamo Lhatso se met en action, brutalement. Il prend une couleur laiteuse, puis toutes les couleurs les unes après les autres en bouillonnant. Un arc-en-ciel se forme, dérive vers l'une des montagnes et se liquéfie en la heurtant. Le Lamo Lhatso a parlé, ses visions ont un message, le 10e Panchen Lama s'est réincarné. Voilà pour les croyances. Mais revenons au temps où le dixième Panchen Lama était en vie. C'était avant 1989. Ceci nous amène à essayer de définir respectivement le Dalai Lama et le Panchen Lama. Oui, évidemment, la différence est difficile à comprendre pour les Européens. Ce sont deux incarnations différentes, de deux Bouddhas, si vous voulez. Alors, le Dalai Lama est un grand chef religieux, mais il est en même temps un chef temporel. C'est lui, en somme, le roi, si vous voulez, le souverain du Tibet, n'est-ce pas ? Le Panchen Lama, lui, a également un grand rôle religieux, mais son rôle temporel est limité à la petite province de Tang, dans laquelle il habite, où se trouve son monastère de Shigatse. La fonction de Panchen Lama existe depuis le XIVe siècle. À la mort de chacun des Panchen, c'est sa réincarnation donc qui prend la succession. 600 ans plus tard, c'est donc toujours le même esprit dans un corps différent. Traditionnellement, le Dalai Lama a un pouvoir religieux et politique, quand le Panchen Lama n'a qu'un pouvoir religieux, on l'a dit. Mais au Tibet, la pratique du bouddhisme et l'identité nationale sont indissociables. Le Panchen est donc un personnage politique de premier plan. Avec le Dalai, ils fonctionnent en duo à la tête du Tibet. Leur relation est complémentaire. Les Tibétains d'ailleurs les appellent le père et le fils, ou la lune et le soleil. À la mort du Panchen Lama, c'est le Dalai Lama qui est chargé de désigner sa réincarnation et inversement. Le dixième Panchen est désigné en 1941, à 3 ans. En 1950, il a 12 ans quand l'armée populaire de Chine envahit le Tibet. À partir de cette date et jusqu'à sa mort, ce grand maître spirituel est un otage de la Chine. En 1959, il a 21 ans lorsque le Dalai Lama fuit le massacre des Tibétains par les troupes de Mao. Il se réfugie à Dharamsala, en Inde. Méfiant, le Dalai Lama n'a pas prévenu le Panchen Lama de sa fuite sous le contrôle et la surveillance des Chinois. Et le Panchen, lui, ne s'est pas enfui, malgré les rumeurs que rapporte le correspondant des RTF en Inde en 1960. On considère ici comme absolument dénué de fondement la nouvelle publiée hier matin par un journal indien, selon laquelle le Panchen Lama se serait enfui de la fête en train de gagner l'Inde. De plus, on souligne que le Panchen Lama est une créature de Pékin où il fut élevé. Ne marchait-il pas à la tête de l'armée chinoise qui en 1950 envahit le Tibet ? Évidemment, il a tout changé de sentiment en voyant ce qui se passe dans son pays. Mais depuis l'aventure du Dalai Lama l'an dernier, il est probable que les autorités chinoises sont très vigilantes et le Panchen étroitement surveillé. Après la fuite du Dalai Lama en Inde, le Panchen devient le chef spirituel le plus important sur le territoire tibétain. Un territoire qui n'est plus qu'une province de Chine. Le Panchen Lama, impuissant, assiste alors à l'assimilation à marche forcée de son peuple par la Chine communiste, des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Et c'est ainsi que les hymnes chinois retentissent dans les haut-parleurs des villes, que la lecture du petit livre rouge est obligatoire, et que le temple de Zhongkang, le plus sacré du Tibet, devient le quartier général des gardes rouges qui, outrage ultime, s'amuse à uriner sur les reproches de la transition divine. Tout acte de résistance est affreusement réprimé, torture, viol, exécution. L'objectif des Chinois est clair, annihiler progressivement, mais complètement, la culture, la religion et le peuple tibétain. Confronté à ce que le Dalai Lama appellera plus tard un génocide culturel, le Panchen Lama ne peut rien. Ses prises de parole pour la protection du Tibet ne lui valent que la prison et les travaux forcés. Le Parti communiste chinois en prend le contrôle et le présente comme un grand héros de la mère patrie. C'est ce que montre le journal d'Antenne 2 en 1989. Le Panchen Lama, deuxième dieu vivant du Tibet, le voici à Shigatse, la deuxième ville du pays, où il préside une joute oratoire entre deux moines philosophes tibétains. L'homme des Chinois, un collabo pour les nationalistes tibétains qui ne se reconnaissent qu'un seul chef, le Dalai Lama, en exil en Inde depuis l'invasion chinoise de 1959. Ces images sont bien sûr extraites d'un film de propagande chinois. Un dieu vivant tibétain en costume Mao, à elle seule. Cette séquence résume les hésitations et les ambiguïtés de la démarche politique du Panchen Lama. Pour les nationalistes tibétains, le Panchen Lama est donc un ennemi et un traître. Un lama rouge qui vit à Pékin et pas au Tibet, doté d'un pouvoir de nuisance exceptionnel. Car si le Dalai Lama venait à mourir, la réincarnation que choisirait le Panchen aurait toutes les chances d'être pro-chinoise. Ce qui porterait un grand coup, évidemment, à la résistance tibétaine. Janvier 89. Nous sommes en l'an serpentaire, selon le calendrier tibétain. Exceptionnellement, Pékin autorise le Panchen Lama à se rendre à son monastère de Tashilumpo, à Shigatse. Pour l'occasion, la Chine a fait reconstruire les mausolées des précédents Panchen Lama qui avaient été dynamités par les gardes rouges. Mais le 24 janvier, loin de Pékin et devant une foule de Tibétains, le Panchen tient un discours profondément anti-chinois, oui, dénonçant les destructions et les massacres de la République populaire. Le prix payé par le Tibet depuis 30 ans est plus fort, dit-il, que les gains qu'il en a retirés. C'est peut-être le discours de trop. Décès la nuit dernière au Tibet du numéro 2 de la hiérarchie tibétaine, le Panchen Lama mort d'une crise cardiaque, était âgé de 51 ans. La mort de ce fidèle de Pékin va ouvrir une crise de succession redoutée des fidèles. La recherche de son successeur, sa réincarnation, devant se faire en principe sous la conduite du Dalai Lama. Or, celui-ci, qui n'a jamais voulu se soumettre à Pékin, est en exil en Inde depuis 1959. Le 29 janvier 1989, 4 jours après son discours, le 10e Panchen Lama est mort. Il était en mauvaise santé, en surpoids, il fumait trop et buvait tout autant. Officiellement, donc chinoisement, c'est une crise cardiaque qui l'a terrassé. Mais pour certains bouddhistes, la raison est ailleurs. Le Panchen Lama a lui-même arrêté son cœur. Prisonnier des Chinois, il aurait profité de son excursion pour mourir auprès de la tombe de ses prédécesseurs à Shigatse, dans la ville qu'il n'aurait jamais dû quitter. Malgré la réputation pro-chinoise du Panchen Lama, le Dalai Lama, lui, ne croit pas perdre un ennemi, bien au contraire. Comme il l'explique sur le plateau de Frédéric Mitterrand en 1989. Je pense être en mesure de vous dire maintenant que par la correspondance que nous avons échangée, par des coups de téléphone, c'était un homme qui était 100% pro-tibétain, pro-indépendance. Et un exemple très marquant de cela est sa dernière déclaration. Pour nous, c'est un homme qui a lutté pour la liberté. Et dans les circonstances les plus difficiles qui soient. Sa mort subite a été une grande tragédie pour nous tous. Mais pour la Chine également. Certains imaginent que c'est Pékin qui a assassiné le Panchen Lama. Son dernier discours contre la République populaire n'aurait pas plu et les agents du Parti communiste se seraient chargés de se débarrasser de ce dissident. Bon, pourquoi pas? Ce ne sera pas le premier. Mais la mort du Panchen Lama est tout autant un problème pour Pékin, car il était son intermédiaire avec les Tibétains et le Dalai Lama. Depuis 87, les manifestations et les attentats anti-chinois avaient repris au Tibet, et le Panchen Lama était le modérateur de cette crise ouverte. L'année 89 commence donc très mal pour la Chine, et elle n'est pas au bout de ses peines. Car dans la capitale, entre avril et juin, les Chinois se rebellent. Par dizaines de milliers, des étudiants, des intellectuels et des travailleurs réclament plus de démocratie, plus de liberté. Le printemps de Pékin a lieu sur une place au centre de la ville, la place Tiananmen. La suite est connue, c'est un massacre, des milliers de morts. Plus tard dans l'année, le 5 octobre, le monde apprend la nouvelle suivante. À l'est, toujours plus à l'est, la Chine cette fois qui vient de recevoir un camouflet de la communauté internationale. Car le prix Nobel de la paix, attribué à Oslo chaque année, vient d'être décerné au Dalai Lama, le chef religieux tibétain. Le Dalai Lama est le symbole de la résistance au régime communiste chinois. Jérôme Bonny. J'espère que ce prix montrera au monde que des sentiments sincères, venant du cœur, peuvent être reconnus, explique le Dalai Lama à Los Angeles, où il vient d'apprendre qu'il est prix Nobel de la paix 89. Un prix qui a aussi un sens politique précis en récompensant le plus vieil opposant au régime communiste chinois, 4 mois après la répression dans le sang du printemps de Pékin. Le Dalai Lama est prix Nobel de la paix. Par cette distinction remise à l'océan de sagesse, comme on l'appelle, le comité du Nobel rend hommage à toute la résistance tibétaine et dénonce, par le même coup, les exactions chinoises de Tiananmen. Pour la Chine, c'est la goutte d'eau. Le Dalai, leader de la résistance tibétaine, lui que les pays étrangers rechignent à rencontrer pour ne pas froisser la Chine, le voilà maintenant mondialement auréolé, c'en est trop. Le régime de Pékin sent bien qu'il perd le contrôle de son territoire tibétain et de ses administrés. Il s'agit donc de le reprendre. Le Tibet ne doit pas s'émanciper. Cela pourrait donner des idées aux autres territoires séparatistes. Moralité, le prochain Panchen Lama doit rester entre les mains de la Chine. Il est donc l'heure de le retrouver. Mountains of lava. Sun cannot dissolve all the work you've not done. A chila likes to feel that his over self pays the bill. Silly boy blue. Silly boy blue. You wish and wish and wish again. You've tried so hard to fly. You'll never leave your body now. You've got to wait to die. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Fils, si tu souffres ainsi, c'est à cause de ton propre karma. Alors le Seigneur de la mort te coupera la tête, arrachera ton cœur, sortira tes intestins, léchera ton cerveau, boira ton sang, mais tu seras incapable de mourir. Bien que ton corps soit haché en morceaux, il revivra encore. Le corps revit, dit le livre des morts tibétains. Les lamas ne meurent pas. Dans le bouddhisme, le corps est périssable, mais l'esprit lui survit. Entraîné par la force du karma, il renaît de corps en corps, histoire d'améliorer chacune de ses vies, pour atteindre la perfection qui lui ouvrira les portes du nirvana et le libérera du cycle des réincarnations. L'esprit des lamas, lui, est déjà parfait, car il est l'émanation d'un Bouddha. Il pourrait aller au nirvana et ne plus renaître dans un corps. Seulement voilà, il a une mission à accomplir sur Terre, parmi les hommes. Répandre la parole du Bouddha et continuer à faire le bien autour de lui. Dès le jour de la mort du 10e Panchen Lama, un comité de moines de Tashilumpo s'organise pour trouver sa réincarnation. C'est le Dalai Lama qui, traditionnellement, cherche et désigne la réincarnation du Panchen. Selon des méthodes bien particulières, il procède en effet à des divinations et consulte son oracle. Mais Pékin fait une annonce extraordinaire. Pour la première fois, un régime communiste athée va mener lui-même les recherches d'une réincarnation. La Chine matérialiste, communiste, prend en charge les esprits. Par intérêt, bien sûr. Elle ne s'est pas convertie au bouddhisme, mais non, évidemment. Elle veut simplement interférer dans ce rite religieux pour choisir et former son propre Panchen. Un patriote qui, quand le Dalai Lama mourra, en choisira un autre pro-chinois. De son exil en Inde, le Dalai propose d'apporter son aide. « Hors de question, répond Pékin, c'est un loup déguisé en agneau. » Les autorités chinoises le font savoir dans un communiqué. Les étrangers ne seront plus autorisés à s'immiscer dans la procédure de sélection. En interférant dans le choix de la réincarnation du 10e Panchen Lama, le Dalai Lama cherche avant tout à contester la souveraineté de la Chine sur le Tibet. Son seul et unique objectif est de provoquer le désordre et le chaos. Ce scélérat cherche à influencer les bouddhistes tibétains. Il peut désormais remuer ciel et terre. La population tibétaine refuse de le suivre dans une démarche aussi suicidaire. Le Dalai Lama devra donc ruser s'il veut intervenir dans le choix de la réincarnation. En attendant, c'est la Chine qui pilote. Pour garder les apparences, elle demande à ce que les recherches soient menées selon le protocole bouddhiste. Et la formidable machine magique se met en marche. Les oracles entrent en transe. Dans tout le Tibet, les moines prient sans compter. Selon la légende, certains soustras, les livres religieux, sont récités plus de 5 millions de fois. Une délégation se rend au Lamolatso, y voit ce que le lac miraculeux a à lui montrer et étudie certains signes. À la mort du Panchen Lama, son visage était tourné vers le nord-est. C'est donc dans cette direction, depuis Shigatse, qu'il faut chercher. Le garçon, car les lamas ont l'habitude de renaître en enfant mâle, est né après la mort du Panchen, l'année du serpent, du cheval ou du mouton, à savoir 1989, 1990 ou 1991. Mais il faut être patient. Les signes de la réincarnation ne se manifestent que quand l'enfant parle et tant que les souvenirs de sa vie antérieure sont vivaces, donc entre 3 ans et 6 ans en général. Février 1994, il est temps. 3 groupes de recherche parcourent le Tibet. Après un an de travail, ils sélectionnent 28 enfants qui pourraient correspondre, puis 8, puis 3. Pour la Chine, tout se déroule comme prévu. Dans un village reculé du plateau tibétain, vit un gamin aux qualités exceptionnelles. Il s'appelle Gedun. Il est le fils de très pauvres nomades. À peine les moines s'approchent-ils de lui qu'il court à leur rencontre, comme s'il les connaissait. Les religieux lui présentent des objets. Parmi eux sont dissimulés des effets qui appartenaient au 10e Panchen Lama. Et sans hésiter, Gedun désigné bon. Ces objets m'appartiennent, dit-il, ils sont les miens. Ses parents rapportent qu'il leur disait: je suis le Panchen Lama, mon monastère est le Tashilumpo. Voilà, c'est lui, pas de doute. Il a 6 ans et c'est le 11e Panchen Lama. Nous sommes alors en mai 95, Pékin est en train de réussir le coup parfait. Mais pour que l'événement soit encore plus beau, la Chine décide d'attendre et de dévoiler le nouveau Panchen Lama le jour de l'anniversaire de la région autonome du Tibet, le 1er septembre 1995. Grave erreur. La Chine pense en effet que les moines qui guident la recherche sont entièrement sous son contrôle. Mais ce n'est pas le cas. Depuis Shigatse, les maîtres religieux envoient dans la plus grande clandestinité un message secret au Dalai Lama en Inde. En prenant tous les risques, ils lui dévoilent l'identité du 11e Panchen Lama. Le 14 mai, le Dalai désigne lui-même Gedun Panchen Lama. Prenant de vitesse le parti communiste, il gagne la course à la réincarnation. Alors, c'est tout le Tibet qui exulte. La nouvelle arrive par le canal des radios interdites. Les tambours, les trompettes résonnent à Lhasa, à Shigatse, partout ailleurs. On chante, on danse, on boit le thé, le chang, la bière traditionnelle. Les pèlerins se rendent par milliers à Techilumpo, c'est l'euphorie. Pékin fulmine et annonce immédiatement que la désignation du Dalai Lama est illégale. Donc, les festivités doivent cesser. France 2, en déplacement à Lhasa, est interpellé par un moine à ce propos. Hé, hey, vous! Heureux? Je vais vous dire, moi, ce qui se passe ici. Les Chinois ont lancé au moins une centaine d'attaques très violentes contre les moines. On est malheureux. On nous mène une vie terrible ici au Jokang. Et c'est la même chose dans tous les monastères du Tibet. Les Chinois, ils sont entrés dans le temple. Ils nous ont tabassés. Ils nous ont matraqués. Ils sont venus avec la police. C'est pas bon. Ils ont enlevé toutes les photos du Dalai Lama. On n'est pas heureux. À Techilumpo, le monastère dont l'abbé est maintenant un enfant, les moines rétifs, voire réfractaires, au régime de Pékin, sont arrêtés sur le champ et condamnés aux travaux forcés. Certains se suicident dans leurs cellules plutôt que de se livrer aux Chinois. Et le 17 mai 95, 3 jours après la désignation de Gedun, des camions militaires chinois entrent à Lari, le village de l'enfant Panchen. Par dizaines, les soldats se ruent dans la petite maison rustique de Gedun. Ils ont pour mission d'enlever l'enfant sacré, ses parents, ses frères et ses sœurs. On rapporte que Gedun dit aux gardes « J'ai fait un rêve cette nuit, je vous attendais ». Impitoyable, la Chine enlève le 11e Panchen Lama, un enfant de 6 ans, avec toute sa famille, et il n'y a plus aucune trace de lui. Non, seule subsiste une photo de Gedun, développée en des dizaines de milliers d'exemplaires, diffusée dans tout le pays, affichée sur les hôtels à l'intérieur des maisons, à côté du Bouddha et du Dalai Lama. Des photos évidemment interdites par le régime chinois. Quiconque est surpris en possession de l'une d'elles est roué de coups par la police. La Chine reconnaît avoir enlevé Gedun, et elle dit l'avoir fait pour sa sécurité et celle de sa famille qui était menacée par les Tibétains. Plus c'est gros, plus ça passe. Chez les Tibétains, c'est la panique. Où est Gedun ? Le Dalai Lama a quelques éléments de réponse. D'après les dernières informations qui me sont parvenues, mais que je ne peux pas vérifier, l'enfant et ses parents seraient détenus près de Pékin, dans une maison entourée de hauts murs. Pendant la journée, ils ont le droit de sortir dans la cour au soleil, mais durant la nuit, ils sont enfermés dans une cave. Je suis extrêmement préoccupé par la santé et le sort du jeune Panchen Lama. Il n'est même pas utile de le tuer, il suffirait de lui faire avaler certaines drogues qui endommageraient à jamais son cerveau. Alors, où est-il ? Vers Pékin, comme le dit le Dalai Lama ? Prisonnier dans l'est du Tibet, comme d'autres le prétendent ? Quoi qu'il en soit, à 6 ans, Gedun est le plus jeune prisonnier politique au monde. Et la Chine ne s'arrête pas là. Elle était doublée par le Dalai Lama, mais lui faut tout de même un Panchen Lama. Le 6 novembre 1995, près de 6 mois après la disparition de Gedun, les 75 lamas tibétains les plus importants sont convoqués à Pékin. Ils sont entourés de soldats chinois et forcés de désavouer la décision du Dalai Lama. La Chine fait valoir un lointain traité du XVIe siècle qui veut que le Panchen Lama soit désigné selon un autre protocole, celui de l'urne d'or. Encore une fois, Pékin s'ingère dans le choix du Panchen tout en feignant de respecter les rites traditionnels. Le principe est simple, c'est un tirage au sort. Trois noms d'enfants sont inscrits sur des bâtonnets en ivoire, placés dans une urne en or, donc. La cérémonie a lieu à Lhasa, le 9e jour du 10e mois de l'an Cochon-Bois, soit le 29 novembre 95. Dans l'assemblée, des moines à grand bonnet jaune côtoient des fonctionnaires du Parti communiste en costume-cravate. Un moine plonge alors sa main dans l'urne et en sort une des tablettes. Le sort est tombé sur un autre enfant que Gedun, et celui-ci s'appelle Norbu. Lui aussi a 6 ans, et il vient du même village. Là encore, plus c'est gros, plus ça passe. La Chine veut faire croire que le Dalai Lama s'est trompé, que ses recherches l'ont mené jusqu'au bon village, certes, mais pas jusqu'au bon enfant, genre, oups, on s'est trompé. En fait, les parents du petit Norbu sont membres du Parti communiste, et la tablette d'ivoire de l'enfant était plus grande que les deux autres, on ne pouvait pas confondre. Qu'importe, avant même le tirage au sort, Norbu attendait derrière un rideau, en costume de cérémonie. Pour les Tibétains, ce nouveau Panchen Lama est une imposture, évidemment. France 2 interroge discrètement un moine entre Lhasa et Shigatse en 1996. Les Panchen Lama, il y en a deux. Pour les Tibétains, la véritable réincarnation du Panchen Lama est celle du Dalai Lama, et pas celle des Chinois. Pour nous, il n'y a qu'un seul Panchen Lama, pas deux. Personne ne sait. Est-ce que c'est difficile de vivre ici pour un moine? C'est même très difficile et très dangereux. Il y a de la police partout. Vous avez vu à la porte d'entrée la police chinoise? Quand vous êtes rentré ici, vous ne les avez pas vus? Il y en a deux. Deux policiers. Sous l'étroite surveillance de la police et de l'armée chinoise, les Tibétains sont contraints de reconnaître officiellement Norbu comme le 11e Panchen Lama. Il sera éduqué loin de son monastère de Tashilumpo, comme Pékin l'entend. La Chine détient maintenant deux otages de 6 ans. Ainsi donc, le Parti communiste chinois a pris une sérieuse option sur la désignation du prochain Dalai Lama. L'actuel vieillit, il se pourrait bien qu'à sa mort, ce soit la Chine qui choisisse son successeur. Pour les Tibétains indépendantistes, la catastrophe serait immense. La résistance tibétaine n'a pas dit son dernier mot, mais Pékin a fait un grand pas dans l'assimilation forcée du Tibet. Le jour de la désignation de Norbu, le Panchen chinois, Pékin ordonne une fête. À Tashilumpo, les soldats veillent avec des mitraillettes à ce que les moines célèbrent l'événement. « Lagyalo », crie-t-il, « Lagyalo », les dieux sont vainqueurs. Les dieux, on ne sait pas, la Chine, c'est certain. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui l'histoire du Panchen Lama, avec notre invitée Katia Buftri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Tibet, co-auteur notamment du livre « Le Tibet est-il chinois ?» Tout un programme, avec Anne-Marie Blondeau en 2002. Vous vous rendez tous les ans au Tibet, je crois, depuis 1985. Oui. Alors, quand un journaliste occidental parle du Tibet auprès d'une ou d'un spécialiste occidental du Tibet, le spécialiste dit « Mais pourquoi vous parlez toujours avec autant de mystère ?» Ben, on en parle avec autant de mystère, figurez-vous, madame, parce que c'est une culture qui nous est étrangère. C'est pour ça qu'elle nous intéresse, qu'elle nous fascine et qu'elle est remplie de mystère. Vous vous dites, vous, oui, ce sont des gens normaux. Ils ont une culture, ce sont des gens normaux. Est-ce qu'on pourrait déjà évacuer cette incompréhension ? Oui, parce que le Tibet était une source de mythes et de tous les mythes que les Occidentaux ont mis sur lui. Et en fait, lorsque vous y allez, oui, le Tibet est un pays normal avec des gens normaux, faits de chair et de sang. Et donc, mais ce qui a beaucoup participé à ces idées, ce sont entre autres des écrivains comme Alexandra David Neal et beaucoup d'autres, les théosophes qui ont raconté des tas de choses sur les capacités. Il est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont des capacités spirituelles hors normes. Mais bon, la majorité des Tibétains sont des gens normaux. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont comme nous qu'ils sont normaux d'ailleurs, enfin, ils nous ressemblent aussi. Concernant la distribution, la gestion des pouvoirs entre le Dalaï et le Panchen, là je crois aussi qu'il faut préciser les choses. Donc le premier Panchen Lama a été le maître du cinquième Dalai Lama. Donc pour faire court, le cinquième Dalai Lama est le premier qui a exercé au XVIIe siècle le pouvoir spirituel temporel. Et donc, il a nommé son maître Panchen Lama en remerciement de tout ce qu'il lui avait apporté. Et comme Lobsang Chukyi Gelsen était l'abbé de Tashi Lumpo, il lui a donné le monastère et des terres qui étaient attenantes. Donc, le Panchen Lama a été, enfin, le premier était le quatrième, en fait, puisqu'on a nommé rétroactivement les trois premières réincarnations du monastère de Tashi Lumpo. Mais il avait pouvoir temporel dans cette région du Tsang seulement. Et le Dalai Lama avait pouvoir temporel sur tous les territoires du centre et de l'ouest conquis par Gushri Khan, son disciple mongol Khoshot, qui lui avait offert en cadeau les territoires qu'il avait conquis. Bien, ça vous dites « avait ». Et aujourd'hui, comment ça se passe ? Ah, aujourd'hui. Enfin, jusqu'au dixième, parce que. Ah, vous voulez dire après l'invasion chinoise? Ah ben, actuellement, même le Panchen Lama chinois, puisque les Tibétains l'appellent Gya Panchen, Panchen Lama chinois, ou Panchen Sunma, le faux Panchen Lama, il ne vit pas du tout à Tashi Lumpo, hein. Bien sûr. Essentiellement, bien sûr, non. Oui, normalement, on pourrait se dire. Normalement, oui, mais vu la situation, voilà. Non. Donc, il vit à Pékin et il vient de temps en temps, à Tashi Lumpo. Et c'est vrai que ses déplacements, vu qu'il ne draine pas un enthousiasme colossal, ses déplacements sont assez surveillés. Je me rappelle une fois, il y a quelques années, où il devait venir à Labrang, un grand monastère Gelugpa, en Namdo, et où on avait vidé tous les touristes pour pas qu'il y ait de problème. Donc c'est toujours un problème, et il a donc ce Panchen Lama chinois commence maintenant à apparaître de plus en plus, effectivement, dans la vie publique. Il est montré de plus en plus par les Chinois. Il a une trentaine d'années maintenant. Et le vrai, si j'ose dire, Gedun, le Panchen Lama désigné par le Dalai Lama, disparu en 1995. Nous sommes en 2019, 24 ans plus tard. Est-ce qu'on a au moins des nouvelles? Alors, il y a toujours le Dalai Lama, il a toujours des nouvelles de tout, lui. Il est au courant de tout. Chaque fois qu'on l'interviewe, il dit « Si, moi je sais ». On l'a diffusé. Oui. Alors, est-ce qu'il sait aussi? Personnellement, non. Moi, je n'ai pas de source. On n'a pas de nouvelles. Il y a Ngapo qui est mort, qui était un officiel tibétain qui avait aidé, qui a participé au gouvernement chinois toute sa vie et qui, lui, a dit à une époque qu'il était dans le Kansu. On a entendu dire qu'il était à Pékin. On a entendu dire plein de choses. Mais, personnellement, non. Je ne crois pas qu'il y ait de source sûre qui puisse dire exactement ce qu'il en est. Mais au Tibet, est-ce que certains le cherchent encore? Ce qui pourrait paraître légitime, retrouver le légitime pour s'opposer à la Chine. Et certains le font pas. Alors, si quelqu'un le cherche, il doit faire ça très discrètement. Oui, parce que... Mais est-ce qu'on sait si quelqu'un le... Si, on ne sait pas. Je ne suis absolument pas au courant. Je pense que si quelqu'un le cherche, ça se fait de manière très discrète. Car effectivement, ce serait un véritable problème. Et est-ce que la manœuvre du Dalai Lama de proclamer Panchen Lama Gedun avant les Chinois était trop risquée finalement? Alors, les... Ça doit faire débat, ça, quand même. Oui, il est sûr... Alors, lorsque vous lisez, par exemple, la journaliste Isabelle Hilton, qui avait été assez impliquée parce qu'elle tournait un film avec, à ce moment-là, et qu'elle a participé, enfin, elle l'a rencontré souvent, le Dalai Lama, il lui a expliqué qu'en fait, lorsque il a reçu, donc, de Chatrin Rinpoche, qui était en charge de la recherche, il a reçu une liste de candidats, et il a fait une divination, comme cela se faisait, et il a donc il est donc tombé sur le même choix que Chatrej Rinpoche. Et les contacts étaient très difficiles, comme toujours. Donc, il a essayé de savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Un émissaire est parti pour donner le résultat. Il n'y avait aucune réponse. Et là-dessus, les moines du monastère de Tashilumpo, mais d'Inde, en exil, sont venus le voir. Et le Dalai Lama a dit « J'ai choisi, effectivement ». Et les moines lui ont dit « Mais Rinpoche, si vous n'annoncez pas la réincarnation, on pourra croire que vous vous mettez derrière les Chinois, que vous simplement vous acceptez ce qu'ont fait les Chinois ». Donc il a fait une divination, le Dalai Lama fait toujours des divinations sur ce genre de sujet important, et qui lui a dit que c'était temps d'annoncer la nouvelle. Il est sûr que les Chinois ne pouvaient que mal réagir, car ils ont perdu la face. Et donc ça a entraîné quand même des conséquences dramatiques, puisque Chatrel Rinpoche, qui était en charge, a fait 7 ans de prison, ou 6 ans. Son secrétaire en a fait 4, plein de personnes ont été allées en prison. Le monastère de Tashilumpo a été très surveillé. Et on a un enfant qui a disparu, et un qui est devenu un faux Panchen Lama. Quel bilan. En 2009, la Chine... puisqu'on en parle, fait en grande pompe les 50 ans de l'annexion du Tibet. L'événement s'appelle Journée de l'émancipation des serfs. Oui, parce que la Chine, on le rappelle, légitime l'annexion du Tibet en disant qu'elle a permis de mettre fin au prétendu système féodal qui existait précédemment. Voilà. Écoutez ce qu'on dit à l'époque le journal de France 3. Des fleurs, des uniformes et des costumes traditionnels tibétains pour célébrer une toute nouvelle fête nationale. Pour cette cérémonie, rien n'est trop beau. 13 000 participants sont réunis à Lhasa devant l'ancien palais du Dalai Lama. Il y a 50 ans, Pékin a mis un terme au système féodal de servage au Tibet. Et les Chinois tiennent à le faire savoir. Ils ont même fait appel au Panchen Lama, deuxième autorité religieuse des bouddhistes tibétains. Il est vrai que ce moine de 19 ans a toutes les faveurs du régime en place. Seul le Parti communiste peut mener aujourd'hui le Tibet au développement, à la prospérité et à un avenir lumineux. Alors, comme ça c'est clair. Hein. Mais si je ne me trompe, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais il me semble que cette fête a été instituée après les manifestations de 2008. En tout cas, 2009, vous dites, oui, c'est ça. Oui, elle a été instituée le 20, à la suite des manifestations de 2008 qui avaient embrasé le plateau tibétain. Mmh. Il y avait eu donc l'inauguration de cette fête. Et ça faisait 50 ans, tout juste. Et en 2007, maintenant, donc 2 ans avant 2009, la Chine a fait passer une loi. Oui. Elle l'appelle mesure de gestion sur la réincarnation des Bouddhas vivant dans le bouddhisme tibétain. Donc, Pékin impose maintenant des lois au rite religieux. Mmh. Que dit-elle cette loi? En fait, ce sont des lois pour expliquer, enfin pour faire court, que c'est le gouvernement chinois qui va choisir les réincarnations, sinon elles ne seront pas valides. Et en 2016, ils ont sorti une base de données avec tous les réincarnations reconnues par la Chine, avec bien entendu l'absence du Dalai Lama. Comme ça, c'est clair. Voilà. La mainmise, parce que la mainmise politique territoriale de la Chine, on la connaît. Dès lors qu'il y a une mainmise sur la vie spirituelle, la mainmise est encore plus forte. Alors, il y a une mainmise terrible sur la vie spirituelle, mais sur le Panchen Lama, il faut quand même se rendre compte. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que, allons au Tibet tous les ans, bien avant de 95, mais depuis 95. Je crois que j'ai vu la photo du du Panchen Lama chinois. Mmh. J'ai dû la voir, je dirais, une à deux fois, pas plus. Mais non, elle y est pas. Mmh. Alors, il pourrait l'imposer, puisque j'ai vu Xi Jinping dans les monastères. Et on ne le voit pas. Alors, soit les gens l'enlèvent, ce qui est tout à fait possible, puisqu'ils mettent souvent la photo du Dalai Lama, et dès que c'est nécessaire, ils la cachent. Mais on ne le voit pas. On voit, le Dalai Lama n'étant pas autorisé, on voit le 10e Panchen Lama, parfois le 9e et le 11e, ni le vrai, parce que ce serait trop dangereux, ni le faux, on ne le voit pas. C'est très rare. D'accord. Alors, le Dalai Lama, au moment où nous parlons, à 84 ans. Exactement, oui. Bien. Quelles seraient les conséquences sur le Tibet si la Chine choisissait maintenant son successeur? Je veux dire par là, est-ce que le Dalai Lama resterait le dernier finalement des chefs spirituels et politiques? Non, il y a plusieurs cas de figure qu'il faut envisager. Alors, il avait dit à un moment que peut-être ne se réincarnera-t-il pas en Dalai Lama. Et alors, là, il y avait eu une levé de bouclier dans l'exil, puisqu'il avait toujours dit auparavant que ce seraient les Tibétains qui choisiraient. Donc il est revenu à ce discours-là, et il semblerait que les Tibétains en veuillent un, donc il y aura certainement deux Dalai Lama. Il y en aura un reconnu par le faux Panchen Lama, qui sera donc le faux Dalai Lama chinois. D'accord. Et il y en aura un reconnu, comme a dit le Dalai Lama. Un Dalai Lama, sa réincarnation sera sur Terre pour continuer son œuvre. Son œuvre, ça ne va pas se faire en Chine. Donc, va renaître en pays libre, en Inde ou je ne sais où. Et donc, à ce moment-là, il y aura deux Panchen et deux Dalai Lama. Dont un chimiquement pur, si j'ose dire, et un pro-chinois. Voilà. En mars 2011, le Dalai Lama prend une décision importante pour les Tibétains. Écoutez le journal de France Inter du 10 mars 2011. Un dernier mot de l'actualité à l'étranger avec le Dalai Lama qui va bientôt passer la main. Le chef spirituel des Tibétains en exil l'a annoncé hier soir à Dharamsala en Inde. Il entend renoncer à son rôle politique pour transmettre le pouvoir à un représentant élu. Écoutez ce qu'en dit Vincent Métaine de l'organisation Campagne internationale pour le Tibet. Il est au téléphone de Dominique André. C'est une décision très importante qu'on pourrait qualifier d'historique. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'un abandon ou d'une défection d'une retraite totale comme on pourrait le croire. C'est une décision qu'il voit la meilleure pour assurer une continuité, je dirais, la meilleure sauvegarde des intérêts tibétains dans le long terme. C'est de ne pas faire reposer tout le processus sur une seule personne, mais de transférer ses pouvoirs vers des institutions qui seront à même de continuer le combat dans le futur. C'est un tournant majeur, ça, pour le Tibet. Ah oui, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, oui, ça a été un tournant majeur, mais on ne peut quand même ne pas voir que le charisme du Dalai Lama fait qu'il a toujours une importance que n'a pas du tout l'homme Zhongzhongye. Le Dalai Lama, donc, bien entendu, refuse de faire certaines choses qu'il faisait avant en tant que toujours chef temporel d'un gouvernement en exil. Mais cependant, s'il y avait... Enfin, plus personne ne veut le rencontrer, puisque sous l'influence de la Chine, les gouvernements voulant vendre leurs avions et autre chose, voulant commercer, donc plus personne ne le rencontre. Mais il est certain que avant, il a un charisme qu'il déplace les foules. Hein, et donc, c'est lui quand même qui garde toujours une importance colossale. Ça veut dire qu'un Tibet sans lui ne serait plus totalement tibétain dans l'esprit. Vous voulez dire un Tibet sans Dalai Lama? Oui, c'est ça, oui, pardon, sans Dalai Lama. Ouais. Bah de toute manière, lorsqu'il y a eu les manifestations de 2008, les Tibétains brandissaient des drapeaux, appelaient le Dalai Lama et demandaient l'indépendance. Quand vous brandissez un drapeau tibétain, c'est quand même que vous demandez l'indépendance. Mmh. Et ils réclamaient le Dalai Lama. Donc pour eux, il est le symbole de l'indépendance, je pense. Alors, indépendance, autonomie, l'histoire du Tibet par rapport à la Chine est évidemment chaotique et assez classique de ce qu'on peut voir aussi ailleurs dans le monde, dans les volontés séparatistes. Après, il y a tout ce qui fait la spécificité du Tibet, évidemment, sa culture, la dimension religieuse. J'ai envie de vous dire, comment va le Tibet aujourd'hui par rapport aux Chinois, par rapport à son identité, à son développement? Comment va le Tibet? Ah, c'est une longue question. Et oui. Alors, et puis, on a gardé meilleur pour la fin. En 30 secondes. Non, pas 30 secondes, on a 3 bonnes minutes. Bon. Je ne dirais pas que le Tibet va très bien. Il y a un développement, effectivement, un développement forcené, qui ne prend nullement en compte les désirs et les besoins des Tibétains. Donc, il y a un massacre écologique, on peut le dire, je crois vraiment, sur les mines, les exploitations minières. Donc, obligatoirement, les Tibétains ont beaucoup de richesses naturelles, donc qui sont bien entendu exploitées, puisque la Chine en a besoin. Le Tibet représente un territoire qui est un quart de la Chine. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est énorme, hein. C'est énorme. Si vous enlevez le Xinjiang, la Mongolie intérieure et le Tibet, il vous reste plus grand-chose. Hein. Il vous reste la Chine des 18 provinces, qui est quand même pas très grand. Et donc ils sont en train d'essayer de lutter pour l'environnement, mais ça ne marche pas très fort. Ça frappe les croyances religieuses parce que au Tibet, c'est pas comme chez nous. Au Tibet, il y a beaucoup de mines dans les montagnes sacrées. Chez nous, on a des montagnes mais pas de mines. Et donc là, ils empiètent sur les croyances religieuses puisqu'on ils font un sacrilège en creusant les montagnes. Donc il y a effectivement un développement qui est totalement délirant. Hein. Les Tibétains profitent de ce développement. Ils commencent à profiter de la manne financière, moi je dirais. Cependant, ils se battent toujours pour conserver leur langue, ce qui est de plus en plus difficile, puisque ça devient un acte criminel. Donc, il y a les problèmes d'éducation. Ils ont des problèmes religieux, puisque là, actuellement, depuis les lois autoritaires de Xi Jinping, le contrôle sur la religion est de plus en plus fort, avec une demande de sinisation de la religion, une demande à ce que les grands maîtres deviennent des propagandistes du parti, en fait. Du parti, oui, du régime chinois. Du régime chinois. Il y a des destructions de temples et il y a entre autres ces destructions de ces deux grands camps monastiques que sont Larungar et Yarchen dans le Kham, où il y avait des dizaines de milliers de moines, et donc où il y a eu, on les a expulsés, et donc on n'a pas au Tibet, à ma connaissance de camps comme il y a au Xinjiang, mais il y a des camps où sont mis les moines et les nonnes. Quand par exemple, les enlever de Yarchen ou de Larungar, on les met dans ce genre de camp. Donc ce genre de camp de rééducation existe, mais essentiellement pour les religieux au Tibet. Alors ça, c'est ce qui rend malheureux les Tibétains, cette assimilation à marche forcée, cette forme d'acculturation. Qu'est-ce qui les rend heureux, les Tibétains? Vous voulez dire dans leur vie, qu'est-ce qui les rend heureux? Ben les Tibétains sont un peuple, je trouve, qui a une résilience assez extraordinaire. Mmh. Dans les régions comme l'Amdo, au nord-est du Tibet, il y a une vie culturelle très intense avec de très grands écrivains, avec de très grands cinéastes qui sont sur la scène internationale maintenant. Donc vous avez une vie culturelle énorme. Vous avez aussi des grands chanteurs. Il y en a aussi beaucoup dans le Kham. La région autonome est la moins productive parce que surveillée, la plus sous contrôle, et donc il y a toujours. Je termine la phrase. Il y a toujours au Tibet, quand vous y allez, ce contraste entre des moments où vous êtes totalement déprimé, des moments où vous reprenez espoir devant la résilience des Tibétains. Merci infiniment, Katia Mbeftri, pour nous avoir éclairé sur ce pays que nous connaissons mal et qui nous intéresse, la preuve. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le Panchen Lama, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter, bien sûr, pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Michel Béziquin.